Vous écoutez France Culture. Troisième temps de notre semaine consacrée à l'histoire des marchés dans la fabrique de l'histoire. Après avoir lundi rencontré Maurice de Sailly, descendant d'une famille de fromagers des Halles, dans son bureau de Rungis. Puis hier, nous être intéressés dans la journée spéciale santé de France Culture au marché des médicaments depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Et avant demain de nous demander quel est le lien entre marché physique et marché virtuel dans un débat avec des médiévistes, des antiquisants ou encore des contemporanistes comme Laurence Fontaine, Fabien Faujon et Christophe Pébart, eh bien, nous allons ce matin, pour le documentaire signé aujourd'hui Anaïs Quien et Françoise Camard, nous promener dans un marché historique de Paris, désormais dédié à d'autres activités culturelles, celle-là, le Carreau du Temple, un lieu synonyme pour tout Parisien des années 80 de blousons de cuir et de manteaux pas chers, et pour tout Parisien ou toute Parisienne plus âgée, de fripes et parfois de vêtements au poids. Pour le documentaire, Anaïs Quien et Françoise Camard se sont rendus sur place avec l'historien Manuel Charpie, l'architecte Thomas Rouir et ont rencontré une des mémoires de ce lieu, Raphaël Colinca, fils et petit-fils de marchands. Avec leurs souvenirs et leur savoir, ils redonnent une épaisseur historique à cette halle métallique dont les nouveaux visiteurs ne connaissent pas forcément le long passé, passé d'un lieu marchand mais aussi d'un lieu ouvrier, en particulier au 19e siècle. Nous allons découvrir tout cela dans le documentaire jusqu'à 10h dans la fabrique de l'histoire. Colette, je vais vous poser une question indiscrète. Je vous écoute. Quel est le marché de Paris que vous préférez? Sans hésitation, c'est le Carreau du Temple. Oh, vous avouerai-je que je n'y ai jamais mis les pieds. 14 mars 1950. Et vous, Jean-François? J'y vais de temps en temps, j'aime ce brassage de la foule parisienne. Vous savez qu'il vient chaque dimanche au Carreau du Temple 20 à 30 000 Parisiens et banlieusards. Imaginez un vaste hall de près de 10 000 mètres carrés de surface. Devant leurs étalages disposés en longues travées, plusieurs centaines de marchands sont là, happant au passage la foule qui se débat, farfouille, marchande, menace de s'en aller, s'en va, revient. En apparence, l'incohérence la plus complète. Les prix à la tête du client et le client le plus fantaisiste que l'on puisse imaginer. L'un s'en va avec un pantalon qui a discuté plus d'une heure, une gabardine. L'autre dimanche, après avoir essayé 20 paires de chaussures, j'ai fait l'acquisition d'un sac que dans un magasin, j'aurais payé le double. Le ton de la discussion monte parfois. L'acheteur se prétend volé et le marchand ruiné, sans que personne ne prenne ses accusations très au sérieux. La clientèle du Carreau est une clientèle avertie. J'ai ici des... J'ai ramené quelques documents d'époque, enfin de... Ça, c'est des Santiago et des Templiers, Renaissance du Carreau du Temple. Est-ce que je vais trouver des... Ça, c'est quoi? Alors ça, ça date de 1932. Voilà. Oui. Qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est 45 ou 6. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est la reprise après la guerre, hein. Les 2 février 1945. Et alors, date du commencement d'exploitation de l'établissement, le 28 juin 1932. Vous voyez, donc ma mère a commencé là. Mais je présume qu'elle a commencé là, sous ce nom-là, avec mon père. Mais elle avait commencé avant, avec sa mère, je pense. Donc c'est Colinca, Colinca Dora, née Schönitzer, c'est ça? Née Schönitzer, voilà, c'est ça. Hein? Au Carreau du Temple, on trouve de tout. Des tombes médiévales de moines templiers, les dépouilles du peuple du Paris pré-révolutionnaire, et au-dessus, une halle du 19e siècle qui nous rappelle celle de Baltard, détruite sous les yeux scandalisés des Parisiens dans les années 70. Aujourd'hui, on découvre un Carreau du Temple rénové, le fer remplace la brique, les spectacles, la culture sous toutes ses formes et les activités sportives vont y faire les beaux jours de ce site, apparenté pendant des siècles au Paris ouvrier et rattaché au quartier du Marais, grâce à la rhétorique immobilière du XXIe siècle parisien. Pour les uns, le carreau du Temple, c'était le bon plan fripe des années 70 et 80. Pour les autres, c'est une réminiscence des bas-fonds décrits par Eugène Sue. Pour d'autres encore, c'était un lieu de travail et d'apprentissage, HEC, la Haute École du Carreau, où le commerce était un mode de vie. Certains y ont passé leur enfance, entre les stands, les manteaux, les chapeaux, les chaussures et les parapluies, comme Raphaël Kolinka, fils et petit-fils de marchands. L'hiver pour mes parents, c'était très éprouvant parce que il faisait évidemment très froid, il y avait beaucoup de courants d'air. Alors, ils avaient un équipement spécial, notamment pour l'isolation des pieds. Ils avaient des sabots en bois fourrés. Évidemment, plusieurs pleurs. C'était l'époque, il n'existait pas les vêtements actuels, les vestes polaires, les tissus modernes. Et très isolants, donc ils avaient plusieurs couches sur eux. C'est assez impressionnant de les voir habillés comme ça. Et ils résistaient, ils ont résisté. Ma mère y a travaillé près de 60-70 ans, je ne sais pas exactement. Elle est son premier, j'ai un registre du commerce ici, elle a démarré en 32, l'année de son mariage. Donc elle est donc inscrite là, mais je présume qu'elle y a travaillé bien avant avec sa mère, qui a dû travailler à partir de 1910. Donc ma mère est née en 1912, et sans doute enfant, elle devait l'aider, puis jeune fille après. Donc elle a beaucoup, il y a beaucoup passé de temps, quoi. Donc vous êtes fils et petit-fils de marchands. Fils et petit-fils de marchands, et toute la famille de ma mère. Ma grand-mère avait 9 enfants. Et tous sont passés évidemment par l'école du carreau. Il y a une école du carreau, vraiment ? L'école du carreau, des marchands, c'était... On raconte, on dit que c'était les meilleurs marchands du monde, ceux qui sortaient de là, étaient capables de vous vendre un vêtement rouge quand vous vouliez un noir ou un bleu. Hein, vous vouliez un vêtement croisé, vous vendez un raglan ou vice-versa. Oui. Et vos parents vendaient des vêtements ? Alors mes parents... vendait des imperméables, c'était spécialisé dans les imperméables. Alors, été comme hiver, avec évidemment, ils souhaitaient toujours qu'il pleuve. Le beau temps, c'était pas bien pour eux. Et quand arrivait la période de mort-saison, se situait, ce qu'on appelait la mort-saison, c'est-à-dire là où il n'y avait vraiment aucune vente possible, c'était janvier pour eux. Janvier, trop froid pour les imperméables. Pas encore la période de pluie, donc janvier, ils prenaient souvent leurs vacances là, ou au début du mois de juin. Rue Eugène Spuller, façade nord-ouest du carreau du Temple, avec Manuel Charpie, historien, et Thomas Rouir, architecte responsable du nouveau visage du carreau du Temple. Alors on se trouve au cœur du Marais, et le bâtiment du carreau du Temple se situe exactement dans l'ancien enclos du Temple, et se développait initialement au XIXe siècle jusqu'à la rue du Temple. Donc il reste seulement un tiers de ce qu'il existait, ce qui avait été construit par Jules de Mérindol en 1860. Donc on est dans l'enclos du Temple avec des bâtiments qui ont été démolis au fur et à mesure de la fin du Premier Empire jusqu'à la fin du XIXe siècle pour faire place aux bâtiments qu'on voit aujourd'hui, donc des immeubles d'habitation ou des bâtiments publics comme le bâtiment de la Garantie ou l'école du Perret. À quoi ressemblait ce bâtiment avant ces travaux, Manuel Charpie ? Alors, le bâtiment était aussi, dès le début, ouvert sur la ville, puisque c'était un bâtiment commerçant. Donc il y avait une partie qui était vraiment tournée vers l'intérieur et où il fallait se promener entre les boutiques. Mais dès la construction du premier, la première halle, en fait, sous l'Empire, on construit un bâtiment donc, qui est effectivement immense. Hein. On avait conservé la rotonde du Temple, mais on avait une immense halle en deux parties en bois, architecture municipale assez classique, enfin de marché assez classique, mais qui était ouverte sur les côtés pour exposer de la marchandise. Donc il y avait, le lien avec la ville était très très fort. Hein. L'idée c'était d'accrocher les clients, les passants, les badauds. Donc il y avait des échoppes à l'intérieur du bâtiment et surtout les pourtours. Et voilà, surtout le côté. Et évidemment, les échoppes en termes de commerce, les échoppes les plus recherchées étaient celles qui donnaient sur rue, parce qu'on pouvait comme ça alpaguer le passant. Et puis on avait des resserres, des lieux de conservation un peu partout autour dans les bâtiments. Donc c'était un bâtiment très lié à tout le bâti du quartier. parce qu'on stockait un peu partout dans les bâtiments. Et puis on transformait aussi beaucoup, donc avec le développement de cette halle comme lieu de fripe, le commerce de la fripe, se sont installés quantité de petits artisans tout autour qui vont travailler pour la fripe, c'est-à-dire qui vont reteindre les vêtements, les nettoyer, les recouper, dégrader les uniformes, etc. En gros, quand il est fini dans les années 1810, enfin quand il prend son envol commercial, il est considéré comme un bâtiment très neuf et très moderne. À peine 50 ans plus tard, c'est considéré comme déjà un vestige de l'ancien Paris. Et c'est dessiné, c'est représenté dans toutes les gravures, etc., comme un bâtiment presque attaché au vieux Paris médiéval. Mais donc voilà, en 50 ans, le bâtiment apparaît obsolète, ouvert aux quatre vents, mal protégé des changements de température, et puis mal organisé. Donc quand on va refaire les travaux, quand on va refaire ce carreau du temple dans les années 1860, on va, essayer de faire un bâtiment moderne pour l'époque, c'est-à-dire une halle en fonte acier et vert, voilà, qui incarne la modernité municipale à ce moment-là. On le construit comme une autre halle, c'est-à-dire qu'on considère à l'époque, en gros en 1860, que le commerce de la fripe est un commerce moderne. Ça n'apparaît pas encore comme un commerce archaïque ou un peu sale, un peu... voilà. Lorsqu'on commence à travailler sur un site comme celui-là, Thomas Rouir, quel est l'imaginaire que vous aviez au moment où vous êtes emparé de ce projet ? Alors moi j'avais des souvenirs du carreau du temple comme un marché de cuir où on allait dans les années 80 acheter les perfectos et les Santiago. Quand on l'a pris en charge, moi j'avais surtout nécessité de prouver qu'il était possible de réhabiliter un ouvrage qui est très similaire au pavillon Baltard qu'on avait démoli dans les années 70. Parce que c'est ça aussi les années 70, c'est cette meurtrissure, le fait qu'on a démoli les halles de Baltard alors qu'il était possible de les conserver. Et on voulait nous prouver que c'était possible de le faire en respectant l'architecture métallique du 19e siècle, c'est-à-dire toute l'isolation se fait sur la façade. Donc on respecte totalement les façades et on ne reconstruit pas à l'intérieur du marché une deuxième peau. Ce qui fait qu'on a une façade décorative historique à l'extérieur et une deuxième façade contemporaine à l'intérieur. Cette halle, commencée en 1809 sur les dessins de M. Molinos, fut achevée en 1811. Elle est construite en bois et se compose d'environ 1800 boutiques. Là viennent les dépouilles du suicide, les guenilles que le Mont-de-Piété a vendues au bout de l'année et celles que les malheureux ont vendues eux-mêmes pour s'éviter les frais de leur premier intendant, le Mont-de-Piété. Les courtisanes y apportent aussi les leurs. Les femmes de chambre de grandes maisons s'y débarrassent des étrennes que madame leur laisse tomber de ses épaules au premier jour de l'an. Et puis d'autres malheureux et d'autres malheureuses viennent racheter tout cela quand ils n'ont plus rien pour se vêtir, ce qui arrive souvent. Et la halle au vieux linge fait fortune tous les jours. C'est un établissement remarquable au milieu de nos établissements philanthropiques, entre les dépôts de mendicité et la morgue, entre le Mont-de-Piété et les maisons de correction, il faut placer la halle au vieux linge. C'est une digne sœur de nos magnifiques institutions. C'est la misère qui les a créées toutes. Nouveau tableau de Paris, Henri Martin, 1835. Alors nous sommes entrés à l'intérieur de ce nouveau carreau du temple. Manuel Charpie, est-ce que vous pouvez nous décrire, faire un effort d'imagination pour nous décrire ce carreau du temple au 19e siècle ? Donc déjà un lieu très bruyant, un lieu aussi à la fois très moderne dans sa structure, enfin dans l'organisation et en même temps très confus et assez sale parce que la fripe brasse énormément de poussière, donc c'est un lieu très empoussiéré, bon, qui était en même temps très entretenu hein, par la mairie de Paris et par les marchands. C'était très réglé au niveau des heures du commerce. Donc il faut imaginer que le matin, il y avait des attroupements tout autour du carreau pour que les marchands se revendent et se rachètent entre eux les vêtements. On recevait des ballots, il y avait une espèce de tri comme ça qui se faisait entre marchands, puisque chaque marchand, en général, avait une spécialité. Et puis après, donc, le carreau ouvrait, et là, la clientèle arrivait, avec des temps assez courts en fait, d'ouverture de ce marché. Donc voilà, le commerce était d'autant plus intense. C'était ouvert seulement quelques heures par jour ? Oui, et ça a duré notamment après sur toute la période contemporaine. Ça finissait très tôt. Voilà, un lieu très animé, encore plus animé le samedi, où en gros, quantité d'ouvriers avaient le temps de venir acheter des vêtements, ce qui n'était pas le cas en semaine. Il y avait une ambiance assez particulière. Raphaël Colinka. D'une part, les marchands étaient les uns sur les autres. Donc, il y avait une tension extrême. Et cette tension, je me souviens très bien que, étant gosse, quand j'habitais chez mes parents, quand ils revenaient du marché, ils étaient littéralement épuisés. Le marché démarrait tôt pour les tirages au sort, aux places. Mais une fois qu'ils étaient installés, ça commençait véritablement à 9h. Les premiers clients arrivaient. Et ça se précipitait. L'heure de pointe, c'était entre 11h et midi. Hein, et le week-end, c'était, tout le monde arrivait assez tard, finalement. Et la tension était extrême. Il fallait que les marchands gagnent leur vie, gagnent leur croûte, dans un temps record. Et mes parents étaient littéralement épuisés, vidés. Et on rigolait plus. Hein. La concurrence était extrême. Les marchands vendaient le même article. Ceux qui vendaient les impairs étaient côte à côte. Les manteaux n'étaient pas mélangés avec les chaussures. Donc la concurrence était extrême. Et il fallait retenir le client. On l'attirait, on le prenait par le bras, on l'attirait. À Thomas Rouer, qu'avez-vous trouvé ici en arrivant ? Alors on a trouvé d'abord des échoppes, il y avait encore 20 échoppes sur la totalité de la surface. Les échoppes avaient été équipées au début du 19e siècle de bardages en bois qui les fermaient et puis de petites couvertures en zinc. Donc on avait l'impression d'avoir des cabanes de plage un peu dans le carreau du temple. On avait une échoppe qui était très intéressante et qui malheureusement a disparu aujourd'hui. C'est une échoppe de la préfecture de police. En fait, c'était le policier qui était censé contrôler les entrées et sorties des commerçants et de faire la police dans le marché. Et cette échoppe, on l'a prise en photo, on l'a relevée, mais aujourd'hui, elle a été démontée et stockée dans les réserves de la ville de Paris. Et ce qui a été très amusant pour nous, c'est d'ouvrir les échoppes parce que ces échoppes du début du XXe siècle étaient louées par un seul commerçant et les commerçants les avaient personnalisées. Donc on a retrouvé dans chacune des échoppes des tissus tendus sur les parements des façades et tous ces tissus témoignaient des époques d'acquisition par les commerçants de ces échoppes. Et on a retrouvé par exemple un tissu futuriste des années 20. Absolument génial. On a retrouvé des tissus des années 60. Donc on avait comme ça une chronologie de l'acquisition des échoppes par la lecture des tissus. Manuel Charpie, pourquoi avait-on besoin de la police ou de la gendarmerie sur ce lieu ? Dès le début du 19e siècle, effectivement, on contrôle de façon très scrupuleuse le lieu. Il y a un peu deux fonctions à la présence municipale et policière, puisqu'il y avait les deux sur le lieu, c'est de placer les marchands, d'éviter les bagarres. C'était un lieu quand même très animé où la question des emplacements était très importante. Puisqu'il y avait des places fixes, il y avait aussi des places flottantes. Et donc la question de, au petit matin, trouver son emplacement, etc. Et la bonne place, notamment. Et la bonne place, le bon coin, donnait lieu à quelques discussions un peu animées. Et puis après, on contrôlait, la préfecture de police contrôlait le commerce de la fripe, parce qu'on voulait contrôler ce qui était vendu, la nature des marchandises, puisqu'il y avait quand même une série d'interdictions qui pesaient sur le commerce de la fripe, et notamment l'interdiction de toute la vente des uniformes non dégradés. Donc on vendait massivement des uniformes ici, mais des uniformes en général donc achetés au domaine, soit à l'armée, soit aux hôpitaux, soit à la police, soit etc. Des uniformes français. Français et étrangers aussi, puisqu'on importait énormément. Le carreau du temple est devenu une grande plaque tournante du commerce. Mais donc ces uniformes devaient être dégradés selon la loi. Donc on devait arracher les parements, tous les éléments qui pourraient faire croire à un uniforme en usage, on va dire. Il y avait un contrôle assez fort là-dessus, puisqu'on était assez inquiet de l'usurpation d'identité par ces vêtements. Pour la police. C'est au même moment d'ailleurs que l'uniforme devient pour la police en ville un élément important. Donc il était nécessaire de contrôler ce commerce-là. Et puis, de toute façon, on contrôle le commerce de la brocante. Il faut s'inscrire en préfecture de police pour avoir le droit d'être fripier ou d'être brocanteur, parce qu'on craint la vente, par exemple, des clés et des serrures. On est très inquiet sur le commerce des clés, des passe-partout, etc. Donc voilà, il y a un contrôle permanent de cela. Et puis un autre contrôle qui est fait par la préfecture de police, parce que la préfecture de police a ses à toutes ces fonctions-là au XIXe siècle. C'est un contrôle sanitaire, puisqu'on est inquiet sur tout le XIXe siècle et même une partie du XXe. On est inquiet des épidémies, des problèmes d'hygiène, et voilà. Donc il y a un peu les deux versants. D'un côté, la police de ce qui est vendu, et puis de l'autre côté, une police de l'hygiène, en quelque sorte. Il reste des anciens systèmes d'éclairage, et ce qu'il faut savoir, c'est que ce lieu était effectivement beaucoup plus sombre avant sa réhabilitation, mais a été très tôt éclairé par des installations électriques. C'est un des premiers marchés parisiens éclairé à l'électricité, parce qu'on avait, à cause de la poussière des vêtements, très très peur des incendies. La préfecture de police et la municipalité surveillaient ça de très près. Donc on a installé très tôt un éclairage électrique pour éviter les problèmes d'incendie qu'on pouvait avoir avec le gaz ou avec d'autres techniques d'éclairage. Cette trace des dispositifs techniques est encore visible aujourd'hui. Donc c'est un éclairage d'époque ou on voit du faux vieux devant nous, Thomas Rouir? Non, ça c'est les éclairages d'époque, ça fait partie des éléments qu'on a récupérés avant la démolition. Ces éclairages étaient disposés au-dessus des échoppes et donc on les a remis au-dessus des échoppes. Alors ces éclairages ne sont certainement pas du début du XXe siècle, hein, c'est plutôt des luminaires des années 40-50. Mais c'est un des témoins du passé du carreau qu'on a récupéré. Et sur les échoppes, on a également mis en valeur les plaques. Là, on les voit en noir sur les structures, les plaques qui accueillaient les noms des commerçants. Vous aviez un numéro, donc là on a remis des numéros au-dessus. Hein. Donc chaque échoppe était louée à un commerçant avec son numéro, et le commerçant inscrivait son nom sur la petite plaque noire. Donc tout ça a été conservé de manière à pouvoir expliquer aux gens qui visitent l'histoire du site. Mais ces échoppes étaient allouées pour combien de temps, Manuel Charpie? Alors, il y avait plusieurs types de baux, si je ne me trompe pas, puis ça a évolué hein, dans le temps, mais en gros, il y avait donc ces échoppes où les commerçants s'installaient dans la durée, plusieurs années, a priori, les baux, c'est des baux municipaux. Donc, effectivement, là, les marchands s'installaient, rajoutaient en général des enseignes, tendaient des... Voilà, enfin, il y avait un dispositif publicitaire qui se mettait en place. On utilise aussi très tôt ici des mannequins, par exemple, pour présenter les vêtements. Des mannequins en osier, puis des stockmen, fabriqués dans le quartier d'ailleurs. Donc voilà, il y a une mise en scène publicitaire pour ces échoppes-là, et puis d'une adaptation au commerce particulier. On pratique ici aussi le prix fixe qu'on pratique dans les grands magasins. Une des particularités du lieu, c'est de marchander les vêtements. Et donc le commerce de la fripe était basé sur le marchandage, sur la discussion des prix, au moment même où se mettent en place les prix fixes dans tous les grands magasins. Alors, il y avait plein d'astuces, il y avait pour bien vendre. Par exemple, les glaces. Raphaël Colinka. Des miroirs, il n'y avait pas beaucoup de place au carreau. C'était les marchands étaient les uns sur les autres, les allées étaient étroites. Et quand il y avait affluence, foule, c'était vraiment très serré, très dense. Donc on présentait le miroir au client, une fois qu'il avait le vêtement sur le dos. C'était des petits miroirs, c'est un peu comme la glace chez le coiffeur. Vous savez, quand vous allez chez le coiffeur vous... Hein, ça va monsieur, vous êtes bien coiffé? Et puis, très rapidement, on vous présente un bout de nuque. Hein, vous n'avez pas le temps de voir, hein, souvent. Ah oui, bon, ça va. Là, c'est un peu pareil avec le miroir. Bon, ça va, ça va, ça va. La clientèle du temple comprend en grande partie des hommes qui travaillent manuellement la semaine. Le dimanche, pour sortir, l'ouvrier d'industrie sortira en veston ou mettra un gros par-dessus sur sa cotte. Il n'a que faire d'une jaquette ou d'une redingote. Aussi, ces deux formes de vêtements que pourrait prendre l'employé de bureau besogneux sont-elles rares sur le carreau du temple? Personne n'en veut. Le veston, par contre, est admis dans la population laborieuse. Tel qui serait l'objet de risée s'il arrivait à son travail avec une redingote, même achetée au temple, est considéré comme un malin s'il a pu se renfrusquiner avantageusement au carreau. Et vos parents habitaient dans le quartier? Alors mes parents habitaient pas loin, ils habitaient à la gare de l'Est, à côté de la gare de l'Est, où ma mère réside toujours. Ma mère a 102 ans et elle réside toujours là. Donc il prenait le métro pour aller travailler. Mon père prenait le premier métro. Il partait très tôt. Et pour être très tôt sur le marché, pour pouvoir tirer sa place dans le premier. Et avec le dimanche, jour de fête, dimanche. Et on prenait un taxi pour aller de la République à la Gare de l'Est. Ah, grand jour. Ce n'est pas une grande distance. Alors, le dimanche était un jour très dur, c'était le jour d'affluence. Hein. C'était ouvert 7 jours sur 7 ? C'était ouvert tous les jours de la semaine. Mais vos parents arrivaient quand même à prendre des vacances de temps en temps. Je parle d'avant-guerre, hein. C'est eux qui m'ont raconté ça. Il n'y avait pas de congé payé à l'époque. Et mes parents me disaient qu'ils partaient en vacances quand la bouteille était pleine. Alors qu'est-ce que c'était que la bouteille ? Il y avait une bouteille de vide et ils remplissaient avec des petites pièces à trous, des pièces de 50 centimes. Quand la bouteille... Ah non, plus d'argent, on part en vacances. Ils ont gagné leur vie, ils ont bien gagné leur vie. Il y a eu des bonnes périodes, il me semble. Jusqu'aux années 50, sans doute. La banlieue n'existait pas encore, il n'y avait pas les grands centres commerciaux. Beaucoup de gens venaient à Paris. Sylvain, ancien gardien du marché du Carreau du Temple. Au Carreau du Temple, c'est vrai que le Carreau du Temple, il y avait des boutiques, et puis il y avait les maîtres, hein, la grande place. Et là, les commerçants venaient tous les matins et ils payaient leurs maîtres. Alors avec des jetons, deux flics, avec deux caisses. Et donc les gardiens faisaient, ceux qui arrivaient le matin, il y en a qui allaient tenir les caisses, qui vendaient les billets. Là aussi, c'était épique. Quand ils arrivaient à la caisse, des fois, ils essayaient tout simplement de nous rouler, quoi. Soit d'oublier de payer, soit de nous demander, nous donner un billet, de le reprendre. Enfin, pas tous, hein, attention, mais il y avait des genres d'histoires comme ça. Et donc, il y a des gardiens qui ne voulaient pas faire la caisse parce qu'à chaque fois, ils se faisaient avoir. Et puis d'autres qui aimaient bien parce que ils savaient compter, quoi. Alors, en plus de ça, dans les caisses, il fallait, le matin, il fallait avoir de la monnaie. Et la ville ne nous en fournissait pas. Donc c'était celui qui faisait la caisse qui se débrouillait pour en avoir. Sinon, ça posait problème. Mais si vous mettiez de la monnaie dans la caisse, il fallait très vite reprendre l'argent que vous aviez mis. Parce que si vous aviez un contrôle de l'administration, il y a les inspecteurs qui arrivent. Quand ils arrivent, vous ne touchez plus à rien. S'il y a des sous en trop, vous ne pouvez pas le reprendre. Alors si vous en avez mis, vous avez de votre poche. Et s'il y en a en moins, il faut le donner. Il faut compter vite, quoi. Donc il fallait surtout compter juste. Et là où ça craignait le plus, c'était le samedi et le dimanche, parce que là, il y avait même des bagarres devant la caisse, quoi. Parce qu'ils se battaient pour avoir les... Bon, il y a certains commerçants qui avaient leur place quasi réservée, personne ne pouvait leur prendre. Et puis il y en a d'autres, plus ou moins, donc ils se battaient pour être bien placés. Et là, au Carreau du Temple, alors, il n'y avait pas très peu d'alimentaire. Mais par contre, le samedi dimanche, les commerçants payaient des gardiens pour surveiller leur place, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui y allaient pour faucher, quoi. Quand les marchands s'installaient, avaient déballé leurs marchandises sur les tréteaux, ils ne devaient théoriquement vendre que ce qu'ils avaient sur les étalages. Et si un client arrivait, il voulait un modèle, bon, il manquait une taille, par exemple, il manquait un 46 alors qu'il n'y avait que des 44. En général, c'était bien rangé par taille. Mais à la fin, c'était mélangé. Hein, il fallait toute une technique pour quand... tous les vêtements soient bien rangés, bien mais pas mélangés, etc. Mais bon, s'il manquait par exemple une taille, et comment faire? Alors, il y avait plusieurs arrangements. Un qui n'était absolument pas légal. Les deux n'étaient pas légaux de toute façon, on n'avait pas le droit. Mes parents disposaient donc d'une boutique. Pas loin, c'était à quelques mètres, quelques 10 mètres selon leur place dans le marché. Dans une boutique... où les vêtements étaient, tous les vêtements qui n'avaient pas été déposés sur l'étalage restaient dans le... Donc il fallait aller chercher un vêtement manquant. Et c'était interdit. On appelait ça aller à la course. Alors, je sais que je venais de temps en temps, étant gosse, le dimanche, je venais aider mes parents. Et mon père m'envoyait chercher un vêtement. Alors, on cachait le vêtement sous ses vêtements, sous son manteau, sous son pilote. Bon, tiens, un petit gosse, ça nous faisait un vent de femme enceinte, un gros vent. Et les inspecteurs du marché, parce qu'il y avait un bureau avec des inspecteurs qui surveillaient la bonne... comme dans tous les marchés, il y a toujours une police. Et dès qu'on était attrapé, un coup de chien, vous là-bas. Et donc c'était une amende qui tombait. Alors pour les enfants, c'était un jeu d'aller... On se cachait. Alors ça, c'est une méthode. La deuxième méthode, c'était de s'arranger avec un concurrent qui vendait le même genre d'article. Donc en douce, on allait lui prendre, en surveillant bien sûr que c'était aussi interdit. Donc on allait prendre le vêtement chez le concurrent. Et il y avait un partage du bénéfice sur la vente. Donc ça, c'était une... il y avait une bonne ambiance. Ça paraît pas comme des vêtements vieux. Manuel Charpie. Puisque un ouvrier, une ouvrière notamment de l'Est parisien, quand elle achète une robe, d'année en année, la remet à la mode en rajoutant des rubans, en rajoutant des boutons, etc. Donc il y a une durée de vie des vêtements, une transformation des vêtements qui fait qu'il y a cette culture et que globalement, assez tardivement au 19e siècle, quand on vient acheter des vêtements ici, on vient acheter des vêtements, on vient pas spécialement acheter des vêtements vieux, on vient acheter du vêtement. Il faudra attendre en fait vraiment le développement de la confection puis du prêt-à-porter industriel, donc plutôt très tardivement, plutôt au 20e siècle, pour que petit à petit on considère ces vêtements comme des vêtements vieux. Il faudra attendre encore plus tard, plutôt les années 60, pour que cette dimension ancienne des vêtements devienne une qualité. C'est-à-dire que ce sont des vêtements qui deviennent des vêtements qui portent des histoires, qui racontent des histoires. Et il y a tant d'uniformes que ça sur le marché pour qu'un marché quasiment entier se consacre à la revente de ces uniformes. Oui, alors au XIXe siècle, c'est quand même massif, et notamment parce que le carreau du temple devient une plaque tournante internationale du commerce de l'uniforme. On importe du monde entier des uniformes, notamment de toute l'Europe, et on va approvisionner toutes les nouvelles nations, notamment un des débouchés importants au milieu du 19e siècle, enfin même à partir des années 30, c'est le développement de toutes les nouvelles nations d'Amérique latine, des Caraïbes, etc. Et là, on va les fournir en uniforme qu'on bricole, qu'on adapte. Donc oui, il y a un commerce très important. Et puis quand je dis uniforme, c'est tous les vêtements qui viennent notamment de l'armée. Mais en fait, dans un uniforme de militaire, vous avez des sous-vêtements, donc vous avez tout un tas de vêtements qui ne sont pas apparemment des uniformes. Les marchands qui n'avaient pas de boutique où ranger leur stock, leurs marchandises, avaient des paniers d'osier qui étaient apportés par des... Il y avait des espèces de petites sociétés de gardiennage qui gardaient les paniers, des entrepôts. Et il y avait des employés qui amenaient les paniers et on rangeait les marchandises là-dedans. Et sur ces paniers, je me souviens, ça m'avait toujours frappé. Une bonne partie de cette population était originaire de pays de l'Est ou de descendants de gens de l'Est. Il y avait des espèces de superstitions. Il y avait toujours des petits chiffons rouges, des petits brins de laine rouge qui étaient accrochés sur les paniers pour le porte-bonheur. Il y avait des petites pratiques aussi. Par exemple, quand un marchand vendait avant ses concurrents, avant ses voisins, donc il étrennait, on appelait ça étrenner, et la règle était de donner à ses voisins, ses concurrents, une pièce de monnaie. Alors à l'époque, c'était les pièces à trous, c'est les centimes, où on donnait des pièces qui étaient mises sous la marchandise, parce que des porte-bonheur. De façon à ce que l'autre, le voisin, ait aussi de la chance. Et des petites choses comme ça. Les commerçants du carreau du temple se plaignent des affaires, bien que la plupart d'entre eux se contentent d'un bénéfice de 10%. 18 juin 1979. Malgré cela, le nombre des marchands s'est accru. Il avoisine actuellement 1300 pour 1000 places. Et on est obligé de tirer celle-ci au sort. Tous les marchands déposent chaque matin leurs médailles numérotées dans l'un de quatre paniers. Le premier pour les mutilés, le second pour les veuves de guerre et les anciens combattants, le troisième pour les anciens marchands depuis plus de 2 ans, le quatrième pour les nouveaux. Les places d'angle sont choisies les premières, cet emplacement étant meilleur que les autres. Toutes les médailles des 3 premiers paniers reçoivent un emplacement, leur détenteur étant prioritaire. Les places restantes sont dévolues au 4e panier. Et il est fréquent de voir plusieurs dizaines de marchands ne pas avoir de place en pleine saison. Quant au prix, en voici quelques-uns. Complet d'homme, 5000 francs. Imperméable, 1700. Gabardine, 8000. Par-dessus de laine, 12000. Chaussures, de 12 à 1500 francs. Robe de femme, 3500. Tous ces prix sont évidemment des minima sur lesquels les vendeurs ne consentiront guère de rabais. Et il va de soi que les prix demandés sont plus élevés, mais il est de tradition au carreau de marchander. Dans les places qui étaient craintes par mes parents, c'était les places qui étaient sous les piliers, vous savez, de soutien de la voûte. Pourquoi ? Parce que en haut des piliers, il y avait des pigeons. Et les pigeons chiaient sur les vêtements, c'était une vraie catastrophe. Alors des fois, ils avaient obtenu cette place face aux fautes d'autres, et on entendait des marchands qui tapaient sur les colonnes avec des bâtons, des cannes, pour faire fuir les pigeons. Parce qu'ils rentraient, vous avez vu comment c'était. Hein. Le temple a son argot, qui n'a le sien ici-bas depuis la haute et basse pègre jusqu'à la haute politique. L'explication de quelques-uns des vocables particuliers à celui du temple aura l'avantage de jeter un grand jour sur des mœurs généralement fort ignorées. Les roulants ou chineurs sont les marchands d'habits ambulants qui, après leur ronde, viennent dégorger leurs marchandises portatives dans le grand réservoir du temple. Les gnôleurs sont les marchands de vieux chapeaux. Une gnôle est un chapeau d'homme retapé. À décrocher-moi ça est un chapeau de femme d'occasion. Que dites-vous du mot, madame ? N'est-il pas neuf et expressif ? Au reste, qu'il ne vous fasse pas peur. Je vous assure que j'ai vu au carré du Palais Royal des décrochez-moi ça qu'on eût pu facilement accrocher passage du saumon, et qui valait au moins 10 francs. Les beausses et les beausseresses sont les patrons et les patronnes huppées de la communauté. C'est l'aristocratie du lieu. Les galifards sont des façons de commissionnaires saute-ruisseaux qui portent aux clients les marchandises vendues. Il y a aussi des galifardes. Les places ou boutiques se nomment « ayons ». Je remarque, en passant, que le mot se prononce à peu de choses près comme « ayons ». Les râleuses méritent une mention spéciale. Ce sont ces femmes qui courent sus aux bourgeois, le tirant par l'habit, par les bras, menaçant de le déchirer, comme jadis les femmes de Thrace, l'époux affligé d'Eurydice. On devine sans peine que les râleuses sont des racoleuses ou courtières lâchées par les marchands sur le gonze, c'est-à-dire le passant, pour le forcer à acheter. C'est avec une haute conscience qu'elles s'acquittent de cet emploi diplomatique. L'argent, au temple, est de la braise, ou de la thune, ou de la bille. Les vêtements, en termes génériques, sont des frusques. Raphaël Kolinka. Ah oui, je voulais vous faire écouter ça. Attendez. Attendez, si je retrouve, attendez, j'avais noté 1,25, on va essayer. On avait enregistré maman. Ils sont passés dans les rangs, ils ont dit, vous non, vous travaillez plus, vous non, vous travaillez plus. Parce qu'il y avait un bureau au marché. Ils avaient été d'abord se renseigner au bureau pour savoir qui était, je peux dire, juif. Hein? Ben oui, c'est ça, oui. Que tous les Israélites, ils avaient été prendre la liste de tous les Israélites. Après, ils sont passés dans les rangs. Et puis alors, ils ont dit, c'est terminé, vous, c'est terminé, et vous, c'est terminé à tous les Israélites. Bon, alors, là, ça a commencé la misère. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, de quand ça date, ça ? Donc, ça, c'est la demande. Alors, la date est 40, vous voyez quelque chose ? Il y a un tampon ? 27 janvier 45. Voilà. Donc, en 45, mes parents sont revenus de la zone libre, enfin, de la zone sud de la France, non ? Et ils ont essayé ils ont recommencé à vouloir travailler là. Donc, c'est les premiers papiers. Mais je crois qu'ils ont travaillé déjà dès cette époque, hein, en 45. Donc ça, c'est mon père et ma mère. Vous voyez, donc ça a été arrêté. Ils ont cessé de travailler en 41. Hein. Alors ça, c'est quoi, hein, okay. C'est agrafé. Oui, c'est agrafé. Non, c'est agrafé. Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Est-ce que je vais trouver J'ai quelques cartes. Tiens, là, j'ai un article du Monde qui date de quand? J'avais relu ça, qui date de quand? Le 74, décembre 74. Et c'est déjà, on parlait d'arrêter le carreau, de le modifier, de le supprimer. Alors, il y avait encore beaucoup de marchands à l'époque. Et... Ah voilà, les derniers jours du vieux carreau du Temple. Hein, c'est vous qui s'intéressez à ça. Le marché du carreau du Temple à Paris, dans le 3e arrondissement, à deux pas de la République, que bien des touristes se plaisent à visiter, vit ses derniers mois. En 74. La vaste halle qui l'abrite sera bientôt démolie pour céder la place, 3900 m² au sol, à un bâtiment qui abritera piscine, gymnase, crèche, bibliothèque, école maternelle, foyer pour personnes âgées, tout en réservant son rez-de-chaussée au traditionnel commerce de vêtements. Les habitants du 3e ne veulent pas la démolition du carreau du Temple, qui est un véritable scandale. 18 juin 1979. Comme le scandale des Batignolles, comme le scandale de la Villette, on a déjà dépensé 350 millions pour faire un marché provisoire qui va être certainement démoli. Le tribunal administratif a donné un violent démenti en annulant le permis de construire. Nous voulons conserver le carreau du Temple, qui est un patrimoine national, un des derniers, pourrais-je dire, marchés style Baltard du 19e siècle, dont les Parisiens et tous les Français sont très attachés. Et pour des questions spéculatives, on veut démolir ce carreau du Temple. On a démoli des bâtiments pour faire des appartements qui valent par exemple 750 000 francs le mètre carré, comme dans la rue des Audriettes, le Bondeville. Le carré Torigny, c'est 1 million ancien le mètre carré. Ça n'a rien à voir avec une population travailleuse qui était obligée de quitter le quartier, puisqu'il y a environ, entre les deux élections municipales, à peu près 25% de la population qui a quitté le quartier. Je suis commerçant au carreau du Temple. Puis on a délogé des vieux et on leur a pris leur appartement pour le vendre à 1 million de mètres carrés. On peut dire que la clientèle qui vient au carreau du Temple, eh bien, lorsqu'ils voient ce bâtiment et qu'on va le démolir, ou les projets de démolition, eh bien, ils sont horrifiés. On a eu 50 000 signatures. De pétitions. Très rapidement, on aurait pu en avoir centaines de mille, mais on a arrêté. Les habitants du quartier sont pour la garderie du marché du carreau. Bien sûr, puisque les élections l'ont prouvé. On va louper la peine. Mais nous voir là-bas. Est-ce que vous avez eu la curiosité de jeter un œil sur ce projet de réhabilitation, de réforme en tout cas, du lieu qui avait été formulé en 1973 par l'architecte Louis Aretsch et qui avait reçu d'ailleurs un très mauvais accueil dans le quartier? Oui, je l'ai vu, d'autant que j'ai un oncle architecte qui a été élève de Aretsch, donc pour moi c'est le nom de Louis Aretsch et Thomas Rouir. Comment dire, familier. Donc j'ai vu ce projet et c'était un projet typique des années 70 pour la ville de Paris, c'est-à-dire un projet où le programme est complexe, où on superpose des couches de programme de manière à satisfaire à plusieurs besoins en même temps. Alors je crois qu'il y avait des parkings, des bureaux, des logements, je crois même qu'il y avait une piscine. Enfin, c'était un truc un peu délirant, tout en béton qui montait assez haut et donc qui n'était pas franchement adapté à l'environnement urbain qu'on connaît aujourd'hui dans le troisième. Et c'est ce projet qui a procédé à une levée de boucliers des commerçants qui se sont associés pour sauver le carreau du temple. Ils ont été soutenus par la mairie du 3e et grâce à leur combat, ils ont réussi à inscrire le bâtiment à l'inventaire supplémentaire et donc à le sauver. Donc c'est vraiment ce projet de Louis Aretsch qui a cristallisé en fait le refus de voir ce bâtiment démoli. Et je crois même que le projet de Louis Aretsch est allé jusqu'à la consultation des entreprises. Ils avaient même commencé à faire des baraques à l'extérieur pour abriter les commerçants, de manière à vider le bâtiment et à le démolir. Donc c'est allé vraiment très très loin. Et ils l'ont sauvé in extremis, tout à fait avant la démolition. On représente souvent le carreau du temple au XIXe siècle comme le lieu des bas-fonds, comme le lieu de la marge. Ça n'est pas véritablement le cas, ou en tout cas pas tout à fait, Manuel Charpie. Non, c'est pas le cas. Bon, de toute façon, les bas-fonds sont par définition une construction imaginaire, littéraire, pittoresque. Mais le carreau du temple l'est d'autant moins que ce soit du point de vue des marchands ou du point de vue des clients. Les marchands sont plutôt des marchands prospères. Enfin, c'est un commerce qui marche bien, qui est très organisé. Globalement, ce qu'on voit dans les archives, c'est que la quasi-totalité des vendeurs sont lettrés. Enfin voilà, donc c'est pas du tout un commerce de nécessité, c'est un commerce au même titre que d'autres commerces. Et ce sera plutôt à partir au XXe siècle que la fripe va devenir un commerce plus de nécessité, plus voilà. De système D. Voilà, de débrouillardise pour passer un moment difficile. Là, au XIXe siècle, c'est un commerce comme un autre. Et il y a de véritables empires. Vous avez certains marchands qui ont 10, 15, 20, 30 employés. Donc on est vraiment dans des petites entreprises très organisées, structurées. Et du côté des clients, finalement, on a tout le public effectivement de l'Est parisien, du monde ouvrier. Donc un public pauvre, c'est sûr. Mais un public qui vient acheter des vêtements, qui soigne son apparence, qui est dans la mode. C'est pas juste un achat de vêtements de nécessité. On vient choisir des vêtements, on vient les essayer, on les reprend. Et c'est pas non plus, en gros, les indigents qui vont plutôt s'habiller, transformer eux-mêmes du tissu, soit aller s'habiller dans les vestiaires religieux, dans les lieux de charité. Donc ici, c'est quand même un lieu de fabrication des identités sociales et notamment de l'identité ouvrière, mais pas du tout, pas uniquement sur le mode de la nécessité. Il y a un phénomène qui démarre effectivement dans les années 20-30, c'est qu'on va vendre de plus en plus du neuf, ce qui était strictement interdit au 19e siècle. Même pendant la crise économique ? Et même pendant la crise économique, on va aussi vendre de la confection qui a été abîmée ou soldée, etc., petit à petit, et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quand le marché redevient un marché, le carreau change de destination et on va aller de plus en plus vers un lieu de commerce de la confection, en fait. Confection de cuir notamment, mais tous les genres de confection et tous les petits ateliers qui étaient là autour pour restaurer, transformer la fripe vont se mettre à produire. Et beaucoup de fripiers vont basculer comme ça dans la confection industrielle, en partie en lien avec le sentier ou au contraire en concurrence avec le sentier. Et donc ça va être un lieu aussi de vente de vêtements neufs, confectionnés souvent dans Paris, et va en même temps subsister pendant un petit moment de la fripe. Donc on a une mort très lente de la fripe, remplacée par la confection, et notamment par la confection de vêtements en cuir, de vêtements en cuir. Actuel, février 1972. Le guide de l'underground en France. Paris. Pour les fringues, inutile d'aller aux puces de Saint-Ouen. C'est cher et ce sont les mêmes boîtes que rue Saint-Denis. Essayez plutôt la porte de Vanves, faites vite, la porte de Montreuil et la place d'Aligre. La Samaritaine vend à des prix modiques des vêtements de travail bien conçus aussi pour les non-travailleurs. Si vous n'avez pas peur de fouiner parmi les choses suspectes, le carreau du Temple, près du Square de la République, existe toujours. Ce C'est effectivement dans les années 60 que le commerce de la fripe change en fait de nature, de clientèle. Manuel Sharp. Et c'est le fait essentiellement de toute la contre-culture, enfin ce qu'on va appeler la contre-culture de façon un peu trop large, mais toute une jeunesse qui, un, effectivement, ne veut pas aller dans les mêmes magasins que papa-maman, deux, s'oppose à la société de consommation, et donc, de, pour le coup, d'avoir l'impression de faire du recyclage en allant aux fripes, ça donne l'impression d'être hors du commerce, hors de la société de consommation, hors de la publicité, etc. Et puis, c'est aussi le lieu des détournements vestimentaires. Finalement, au 19e siècle, on vient ici de façon très conventionnelle. On vient acheter des vêtements de sa classe sociale, qui sont acceptés dans sa classe sociale. Quand un ouvrier vient, il achète pas une redingote bourgeoise, qui serait très mal vue dans le milieu ouvrier. Il achète des vêtements qui sont acceptés dans le milieu ouvrier. Dans les années 60, ce qu'on va venir chercher là aussi, c'est des vêtements qu'on peut détourner, notamment les uniformes, qui sont donc très nombreux ici. Donc là, plutôt des uniformes américains à cette époque-là. Et alors, voilà, notamment des uniformes américains, puis plus tard, ce sera des uniformes allemands, belges, etc. Et là qu'on va détourner dans un geste politique, enfin, antimilitariste en gros, où on porte des uniformes dégradés, détournés, etc. Ce sont essentiellement des vêtements américains, effectivement, et qui viennent, alors qui transitent essentiellement par le Maghreb, par l'Algérie, le Maroc, puisqu'en fait, dans le plan Marshall, il y avait un volet fripe, et où notamment l'Algérie est obligée d'acheter, enfin, c'est un contrat, est obligée d'acheter des uniformes réformés américains, donc ils transitent par l'Algérie et ils arrivent au carreau du Temple. Et donc voilà, dans les années 60-70, quand on veut s'habiller pas cher, bohème ou contre-culture, dans Paris, on vient au carreau du Temple. Donc ça a tenu le coup, combien? 30 ans de course, hein. Ça s'est arrêté en 2009. En 2009, ça s'est arrêté? Je crois, la fermeture, il me semble. Vous étiez là, vous? Non. Non, mais enfin, ça a agonisé pendant quelques années, quand même. Il y a eu des fuites, enfin, ça s'est terminé, il y a de moins en moins de marche. Mais ça a quand même tenu le coup. Merci à Raphaël Kolinka, Manuel Charpie, Thomas Rouir et à Sylvain. Merci également à Élodie Vermuth et Gaëlle André. Lecture Julia Vélis-Bogart, prise de son Éric Damaggio, Jason Taos, mixage Jean-Benoît Tétu. Des Santiago et des Templiers, Renaissance du carreau du Temple, Anaïs Quien, Françoise Camard. Voilà pour ce troisième volet de notre histoire des marchés. Demain, nous continuons, nous nous interrogerons avec le Moyen-Âge, avec la période antique, la période contemporaine, en nous demandant comment on est passé des marchés physiques aux marchés virtuels avec trois invités. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission sur le site de France Culture, www.franceculture.fr, vous pouvez donc l'écouter pendant 3 ans après sa diffusion, la télécharger pendant 1 an après sa diffusion et laisser vos commentaires sur le site ainsi que sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter.